retrouve les idées dans la brume. Je ne sais plus trop bien que tout le jeu que maintenant j'assume. Alors voilà, je passais donc un bon moment avec elle qui m'avait assuré pourtant. Mon Dieu, quelle histoire si dure à raconter. Une de ces aventures, mais pourriez-vous me croire? Mon Dieu, quelle histoire si dure à raconter. Une de ces aventures, mais pourriez-vous me croire? J'étais bien, j'avais toutes mes sensations. Prêt à l'exploit, proche de la satisfaction. J'avais tout mon temps, je n'étais vraiment pas conscient du tout imprévu que prendraient les événements. Mon Dieu, quelle histoire si tu dois me raconter de ces aventures, mais pourriez-vous me croire? Mon Dieu, quelle histoire si tu dois me raconter de ces aventures, mais pourriez-vous me croire? Tu es dit t'attends quelqu'un. Pour moi c'était gênant. J'avais une vue bien loin des reins. Si elle c'était son mari, plutôt massif genre soupolé. Mais j'ai tout senti, mais je suis resté très digne. Wow.